Tout le monde va bien? Merci pour la prochaine, aussi j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça au Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes ici au Millennium de l'île d'Abo en live et en public. Et dans une ambiance toujours aussi chaleureuse, ici au Millennium avec ce soir un artiste qui vient de loin avec un groupe assez exceptionnel, c'est monsieur Roland Chacounté. Oui Cédric, voilà quelqu'un en tout cas de très attachant. Je dois dire aussi que c'est un ami depuis pas mal de temps, on s'est croisés tout au long des routes européennes même, hein, puisqu'on a de très bons souvenirs à Liège ensemble aussi. Mais Roland Chacounté, c'est surtout un artiste sans frontières qui a su mêler peut-être le blues actuel à celui de ses origines camerounaises. Ce soir sur scène, il est accompagné d'une nouvelle formation, c'est la première fois qu'on a la chance de voir cette formation au complet. Et quelle formation, on aura l'occasion d'en reparler. Mesdames et messieurs, voici Roland Chacounté. C'est joli que pas tu ne fies la baie. C'est joli, moi tu m'en mets. C'est joli, moi tu me fidas. C'est joli, tu me fidas. Oh, Melano, Melano. C'est joli. Ça comptait sur la scène du Blues Café. Merci beaucoup. Merci. C'est un très grand plaisir d'être ici ce soir. Voilà, je suis accompagné par des musiciens que j'admire beaucoup. C'est d'abord des amis. Monsieur Bassam à la guitare. Très grand musicien. Monsieur Damien Cornaliste. Un jeune que j'adore. Et ce grand monsieur, Larry Crockett, à la batterie, et Kim Young, qui vient de New York tous. Voilà, nous allons continuer avec une chanson que j'ai nommée Joli Cœur. Joli cœur, l'enfant me fit d'un pays. Joli cœur, l'enfant me fit d'un pays. Attends, le moment de glou, l'amour cœur va tomber. Joli cœur, l'enfant. L'enfant, fille d'un pays. Joli cœur, l'enfant. L'enfant, fille d'un pays. Attends, maman, tu que loup. L'enfant, fille d'un pays. Me gâte un bon, mon baby. Me gâte un bon, notre homme. Roland Tchakounté est ce soir notre invité dans le Blues Café Live. Roland Tchakounté et son groupe, on aura l'occasion d'en parler. Roland Tchakounté qui prépare la sortie d'un tout nouvel album. L'album sortira en mai et ça aussi nous aurons l'occasion d'en parler. Bonsoir Roland. Bonsoir. Roland, donc on connaît tes origines. On va pas revenir sur toute ton enfance. Je sais que tu n'aimes pas trop, tu es très pudique. On va quand même dire que tu as eu une enfance assez difficile. Hein. Tu fais partie aussi de ces boat people hein, qui ont pris un bateau pour venir. C'est toujours très difficile comme moment. Donc on a dit tout à l'heure que c'est arrivé en 90, mais pourquoi finalement faire du blues quand on vient du Cameroun ? Est-ce qu'il y a une relation ? Bah oui, quand on est né dans une famille très modeste et qu'on a toute son enfance côtoyé la misère, bon, on a un background qui vous conduit inéluctablement vers le blues. Pour certains, ça s'exprime autrement, par la lecture, par l'écriture. Pour d'autres, ça s'exprime par des combats quotidiens qui sont très difficiles. Moi, j'ai choisi la musique et le blues étant une musique qui était très appropriée pour exprimer le blues, voilà, c'est bon. Je me suis dit, c'est par là qu'il fallait aller, quoi. Tes origines, on les perçoit dans ton chant. On a eu l'occasion d'entendre deux titres à l'instant, qui est la plupart du temps dans ta langue, le Bamileke. Voilà. Est-ce que c'est une façon pour toi de conserver ses origines, de chanter dans cette langue-là? Est-ce que tu as imaginé de chanter dans une autre langue, en français, en anglais? Oui, j'ai chanté en français, en anglais, mais je veux dire, quand je chante en Bamileke, je me retrouve en connexion avec mes origines, avec mon histoire. Et le Bamileke est une langue que je trouve très belle et j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de raison que je n'utilise pas cette langue pour comme langue officielle du projet que je porte. J'ai fait ce choix et partout où j'ai joué, j'ai très peu rencontré de réactions négatives par rapport à ce choix de langue. Et du coup, je continue mon petit bout de chemin avec ce choix-là. Mais le blues, tu l'as abordé essentiellement en arrivant en France, où tu avais déjà des traces de blues en Afrique. Alors, c'est vrai que tu as aussi d'autres influences, parce que je sais que tu as énormément apprécié ce qu'on appelle, nous, le blues malien, donc quelqu'un comme Ali Farka Touré, par exemple, mais d'autres artistes. Mais Ali Farka Touré, c'est quelqu'un que je considère comme un maître. C'est Ali Farka Touré justement qui m'a débarrassé du complexe de chanter le blues dans une langue africaine. Parce que le blues, tout le monde sait, c'est la langue officielle du blues, c'est l'anglais. Après, c'est langue occidentale, comme on dit. Et chanter le blues tel que je le conçois, c'est-à-dire que structure américaine, c'est-à-dire que 12 mesures, etc., c'est quand même pas un choix facile. J'allais choisir de chanter ce type de blues en langue africaine n'est pas un choix facile. Et quelqu'un comme Ali Farka Touré m'a débarrassé de ce complexe. Et puis, j'ai un autre maître qui est américain, celui-là, c'est John Lee Hooker, qui m'a vraiment donné la conviction que le blues était le mien. Quoi. Tu as quand même quelque chose aussi de similaire finalement avec les bluesmen, puisqu'on dit que Robert Johnson a croisé le diable lors d'un carrefour. Toi, tu as passé un pacte, mais pas avec le diable, il me semble, hein, avec ta femme. Tu lui as promis que tu assurerais, que tu ferais bouillir la marmite en permanence en tant qu'artiste. Oui, et en échange, elle accepte que tu secours le monde pour chanter le blues. Exact. C'est pas toujours évident. Moi, je crois que c'est le cas pour beaucoup pour toutes les personnes qui ont fait le choix de vivre de la musique. C'est un choix délicat. C'est surtout lorsqu'on a une femme qui n'est pas du tout dans cet univers. Ma femme est fonctionnaire, elle travaille à la ville de Paris. Donc la musique, c'est quelque chose qui est vraiment dans un univers très, très, très mystique pour elle, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi on peut mettre autant d'efforts, autant d'énergie dans quelque chose qu'on appelle la musique. Pour elle, la musique, c'est acheter un CD et l'écouter tranquillement sans être obligé de s'investir. Alors, je dis, c'est ma passion. Il y en a qui mettent leur énergie dans les Ferrari, etc. Mais moi, je mets cette énergie dans le blues, dans la musique. On en a même eu ici qui mettaient cette énergie dans la pêche. Voilà. Si vous avez suivi l'émission du mois dernier avec Jérôme Pietri, et d'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Tu connectes le blues avec tes origines africaines. On va écouter maintenant quelqu'un qui connecte la musique amérindienne au blues, au jazz et à la soul. C'est Madame Purafé, qui sort un tout nouvel album. Il s'appelle Sacred Seeds, arrangé par quelqu'un qu'on aime beaucoup, également un Français, qui s'appelle Mathis Hogg. Et on retrouve en guest de cet album Jean-Jacques Milteau. On écoute et juste après, on retrouve Roland Tchakounté sur la scène du Blues Café. Mon homme, Pure Raphaël. L'album s'appelle Sacred Seeds. Et on retrouve tout de suite sur la scène du Blues Café Roland Tchakounte. Oh yeah, oh yeah. Call them brother, oh yeah. Brother, oh yeah. Oh yeah, wow. Merci. Désolé. Ça va toujours? Mais toi aussi, il fait. Je suis un peu chaud là, non? Bon, on va tenir. Je suis habitué, moi. Je suis bronzé là, comme là. Jolie femme, Madame Biba, nous vous soyons de misery. Jolie femme, Madame Biba, nous vous soyons de misery. Every day, Madame Biba, nous vous soyons de misery. Jolie femme, Madame Biba, nous vous soyons de misery. Madame Biba, nous vous soyons de misery. Every day, Madame Biba, nous vous soyons de misery. Madame Biba, we vous soyons de misery. Jolie femme, Madame Biba, we vous soyons de misery. Every day, Madame Biba, we vous soyons de misery. Madame Njaga, Jack Busongo, Tom Nusicha. Every day, Madame Biba, we will so young to misery. Madame Njaga, Jack Busongo, Sitcha, we will so young to misery. every day, madame be moi, we vous soyons to misery. Roland Tchakounté à l'instant dans le Blues Café Live. Avant de retrouver Roland pour nous parler de ce nouvel album, on voudrait vous rappeler ce rendez-vous le samedi 6 juin. Ça aura lieu ici dans les jardins du Millennium. C'est notre troisième Blues Party. Vous retrouvez toute la programmation sur le www.bluesactu.com. On vous le rappelle, des découvertes venues des quatre coins du monde. Sophie Reed, Ejigio Duke, Ingala, A Contra Blues et cette tête d'affiche Miss Nikki and the Memphis Soul Connection. Vous allez voir cette artiste incroyable, elle nous vient de Memphis. Elle sera avec Monsieur Ahmed Mouissi qui sera son invité d'honneur. J'allais dire surprise, ça ne l'est plus maintenant. Voilà. Absolument, et il y aura aussi, on aura l'occasion d'en reparler, le vendredi soir, la veille, la projection d'un film de notre ami Thibaut, qui réalise habituellement les captations de nos émissions, remplacées ce soir par deux de ses acolytes. Et il y aura un débat animé, juste après, animé par Gérard Herzhaft. Les amoureux du blues connaissent très bien, puisque c'est un grand encyclopédiste qui a écrit justement la grande encyclopédie du blues, qui est un peu la référence de tous les amateurs de blues. Roland, je t'ai connu pendant plusieurs années avec une formation électro-acoustique, avec des musiciens qui étaient aussi exceptionnels, et puis soudain tu viens avec une autre formation tout aussi exceptionnelle. Et quel musicien, parce que rapidement, avant que tu nous expliques pourquoi ce changement, il y a des gens comme Bassam, que j'ai connu il y a très longtemps et qui est un des meilleurs guitaristes français, je crois. C'est vrai. Il y a Larry Crockett, qui était le batteur de Popa Chubby et de Eric Bibb. Très timide derrière sa batterie. Il y a Kim à la basse, qui était le bassiste de Neil Black, entre autres. Mais aussi du propre groupe de Larry Crockett, d'ailleurs. Et au clavier, quelqu'un qu'on connaît, qui est déjà venu ici avec les Blues Power Band, monsieur Damien Cornelis, qui vient juste d'intégrer une autre très grande formation qui s'appelle les Malted Milk. Alors, comment on débauche tous ces gens-là, Roland? c'est par amitié que... Non, tu vas pas me faire croire, c'est uniquement par amitié, c'est pas possible. Combien ça t'a coûté? C'est-à-dire qu'il faut, faut beaucoup de chance et puis beaucoup de sincérité pour convaincre les artistes comme les musiciens. Enfin, je les appelle les artistes parce que c'est vraiment le cas. Je dis, Bassam a son propre projet et le convaincre de travailler avec moi sur mon projet est quelque chose de qui ne peut se faire que s'il est convaincu de la sincérité de ma démarche. Et je pense que c'est le cas pour mes autres amis, Damien et Kim et Larry. Donc l'effort n'a pas été très grand. J'ai présenté le projet et j'ai dit que j'étais d'ailleurs très fan d'eux et je souhaitais qu'ils m'accompagnent dans ce projet. Ils ont accepté. Nous sommes rentrés en studio pour enregistrer l'album et voilà, et nous continuerons à le défendre sur scène aussi. Et c'est un privilège, c'est une grande chance pour moi. Ouais. Bah Sam, tu es ici à côté de Roland Tchakounté. Tu confirmes qu'il n'a pas fallu très longtemps à Roland pour vous convaincre de le rejoindre dans ce projet ? Ah non, c'est allé très vite en fait. Roland, je le connaissais déjà avec Blues sur scène à l'époque au Tremplin, que j'avais fait en 2007. Et voilà, je l'avais rencontré, j'aimais déjà beaucoup sa musique. Donc quand il m'a proposé ça, j'étais enchanté. Voilà, je suis très content de faire partie de cette aventure-là parce que c'est un personnage entier qui fait de la musique avec son cœur. Voilà. Toi aussi d'ailleurs, parce que tu es un excellent guitariste, tu as ta propre formation et je crois savoir que tu vas aussi sortir un album qui est en préparation avec des musiciens incroyables, dans un style peut-être un tout petit peu voisin du blues, non ? Ouais, disons que cet album-là, en fait, que je suis en train de faire, c'est un peu un mélange de toutes les choses que j'ai pu entendre depuis que je suis tout petit, musicalement. Donc, il va y avoir du groove, de la soul, du blues, de la funk, un peu de jazz, enfin, des influences un peu jazz, un peu de hip-hop, enfin, tout ce qui est passé par mes oreilles depuis que je suis... Ouais. Puis tu as collaboré quand même avec quelques grands bluesmen, non ? Oui, en fait, j'ai bossé avec Dave Riley, que vous devez peut-être connaître, Earl Green, Ernie Johnson, Kezia Jones, qui n'est pas considéré comme un bluesman, mais bon, pour moi, c'est du blues ce qu'il fait. Lucky Peterson, Bonnie Fields, tous les mecs qui sont de passage sur Paris. Oui, il dit ça France, très tranquillement, j'ai joué avec Lucky Peterson, ouais. Bonnie Fields. Bah, ils font de la musique, on fait de la musique, voilà. On fait de la musique ensemble. Cet album, donc, il sort quand ? C'est en discussion avec une structure, un label. Et en fait, l'album s'appellera Common. Roland, on sait que tu aimes bien justement avoir un peu ce rôle, j'ai envie de dire, de chef d'orchestre, ou en tout cas de diriger cette direction artistique d'un groupe. On le voit d'ailleurs, tu lances des regards, tu laisses vraiment tes musiciens s'exprimer. C'était vraiment important pour toi, du coup, d'avoir cette équipe-là derrière toi pour ce projet plus électrique, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que... la musique, c'est d'abord c'est quelque chose que je considère comme c'est ma défense, quoi. C'est ma respiration. Et lorsque je suis sur scène, j'ai envie de vivre quelque chose d'exceptionnel à chaque fois. Et il est très difficile d'être entouré de personnes qui n'ont pas la même vision des choses. Et je m'entoure que des gens sincères à chaque fois. C'est-à-dire que quand je n'ai pas trouvé ces personnes, je ne me lance pas dans un projet. Je prends mon temps. Et lorsque je parviens à réunir ces personnes, je suis satisfait. Et sur scène, quand je joue, je suis admirateur des musiciens. Je suis spectateur de mon propre concert. C'est-à-dire que quand je regarde Kim en train de jouer, je suis fan de ce qu'il est en train de faire. Et c'est le cas pour tous mes musiciens, en fait. Bon, je ne veux travailler qu'avec des gens que j'aime d'abord humainement. Et quand on est sur scène, vraiment, c'est un partage. Je suis... certes, le leader du projet, ça porte mon nom, mais simplement, je partage la scène avec des gens que je respecte beaucoup, qui ont vraiment un grand talent. Et j'ai envie, la consigne que je leur donne, c'est de donner du bon temps à toutes les personnes qui ont pris la peine de démarrer leur voiture, venir dans un endroit comme celui-ci et participer à une soirée comme celle-ci. Voilà. Donc, à chaque fois, je ne suis pas déçu. Ce nouvel album qui devrait sortir au mois de mai, hein, je crois que tu es déjà en studio en ce moment, ouais. Et c'est en train de se terminer. Malgré notre demande, on a eu beaucoup de mal d'ailleurs à avoir quelques titres. Hein. Tu nous en as livré un seul. Mais il me semble que ce que tu joues sur scène, ce sont déjà les prémices de ce nouvel album. Ce sont les prémices de ce nouvel album, oui, tout à fait. Là, je suis vraiment parti dans quelque chose de très différent. Avant, je fonctionnais sur un répertoire très feutré. Hein, nous étions deux ou trois sur scène. Et j'ai fait des scènes un peu partout avec un projet acoustique très, très, très, très light. Et cette fois-ci, j'ai envie de faire des choses que je faisais quand j'étais au Cameroun. Au lycée, on avait un groupe dans lequel j'étais leader. On interprétait des chansons de James Brown, Wilson Pickett. Et j'ai voulu revenir à cela. Je suis fan du Chicago Blues. Alors, du coup, je me suis dit, je vais pour cette fois-ci essayer d'aller dans cette voie-là qui vraiment correspond à ce que j'ai toujours aimé faire. Au niveau des paroles, je pratique très mal le bamileke. Comment ça On y arrive, c'est bien. Mais, on a répété. En écoutant tes albums, je commence à m'y initier. On sait que tes albums sont toujours empreints de ton interrogation, on va dire, sur la nature humaine. Ouais. Ça sera toujours le cas sur ce prochain album. De quoi va-t-il parler? Malheureusement, c'est toujours le cas. Je suis, vous savez, la folie humaine est à l'œuvre dans mon pays, le Cameroun. Avec surtout au Cameroun. Hein. Bon, on a décimé tout un organe de presse qui s'appelle Charlie Hebdo en France, mais au Cameroun, les Charlie Hebdo, on en tue des dizaines par jour et on n'en parle pas. Bon, bref, donc ce pays est dans cette terreur avec des villageois qu'on assassine tous les jours, des gens qui n'ont rien fait de mal. On assassine des vieillards. Des femmes qui n'ont rien fait. Et cette brutalité est quelque chose qui choque, qui traumatise tout le peuple camerounais. Moi, ça me fait des cauchemars. Et la chanson que j'ai interprétée au début de cette soirée, c'était une chanson justement qui était un hommage à toutes ces personnes qui n'ont rien demandé et qui subissent un peu la folie humaine, parce que c'est vraiment le mot, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme ça, pour une raison ou une autre, pour une raison, quelle que soit la raison, se mettre à donner la mort à des innocents, verser le sang des innocents. Et ces thèmes sont récurrents dans mes chansons. Je parle par procuration. Quand je souffre, aujourd'hui, ça va, mon problème est réglé. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une... J'ai beaucoup souffert quand j'étais petit. J'ai grandi avec très peu de moyens. Mes parents n'avaient pas de grands moyens. Aujourd'hui, j'ai réussi à surmonter tout cela. Mais par procuration, je pense à toutes ces personnes qui sont restées au pays et qui, au quotidien, luttent comme des malades pour ne serait-ce qu'avoir un bout de pain à la fin de la journée. Et c'est difficile. Et ces gens-là sont en plus victimes des fous. On les appelle Boko Haram et il y a d'autres folies comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui ne me laisse pas indifférent. On va rester là-dessus. On va te proposer de retourner sur la scène du Blues Café Live. Le nouvel album sortira donc en mai et on est très impatients de le découvrir. Hey, hey, Conan Bangambe. Hey, hey, Conan Bangambe. We'll be right back. Oh, darling, quand on va en homme. Oh, baby, quand on va en homme. Mais tu vas en baby, quand on va en. Oh, darling, mais tu vas en main. Ou le monde. Oh, baby, quand on va en. Oh, darling, quand on va en. Oh, darling, quand on va en homme. Mais tu vas en baby. Gonna bang on baby, oh baby, gonna bang on, oh baby, baby, oh baby, gonna bang on, oh darling, me gonna bang on, oh darling, me gonna bang on, oh baby, me gonna bang on, oh baby, gonna bang on, gonna bang on baby. Monsieur Roland Tchakounté est ce soir dans le Blues Café Live. Tell me, yeah. on the floor to come on, baby. Boom, boom, and chin. Come on, you some lenna good luck. Boom, and boom. Come on, you some lenna good luck. Merci. À la basse, Kim Yarbrough. À la batterie, Larry Crockett. Au clavier, Damien Cornelis. À la guitare électrique, Bassam. Au chant et à la guitare, Roland Tchakounte. Roland, peut-être simplement le mot de la fin. Est-ce que tu sais déjà comment s'appellera ton prochain album ? J'ai plusieurs noms en vue, mais... J'ai pensé peut-être que je vais changer parce que je repousse sans cesse les choses. Matango River. Cette émission touche à sa fin. Nous recevions ce soir le groupe de Monsieur Roland Tchakounte. Merci beaucoup à tous d'être venus. On vous rappelle notre site www.bluesactu.com et on se donne rendez-vous très bientôt ici au Millennium. Et on laisse la scène à Roland Tchakounte pour terminer en musique cette émission sous les applaudissements du public. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr. Damien Cornelis.